Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents d'être avec vous ce soir. Ça va chauffer. Applaudissez beaucoup. Wow, c'est la joie. Show, show, show, show, show, show, show, show, show. Thank you. Merci beaucoup. Mangosa se chante en Bambara. Le Bambara, c'est la langue nationale parlée au Mali. Mangosa, ça s'adresse à des gens qui quittent leur pays pour aller ailleurs sans prendre des précautions. Donc, ils laissent leurs enfants, les femmes à la maison et ça pose des problèmes. On appelle ça Mangosa. Nous avons joué un autre morceau qui s'appelle Batora. Batora, c'est le nom d'une dame qui aime bien faire la fête. Mais quand elle va faire la fête, elle laisse son bébé à la maison. Et quand on demande à Batora, elle dit qu'elle s'en fout. Sans les enfants, elle veut faire la fête. Est-ce que nous allons faire la fête ce soir? Ouais, d'accord. Je pense que les enfants dorment à la maison ce soir. On fait comme Batora. On y va, Bakarini. Elle veut lui dire que tu l'as. Thank you. pour chanter? Est-ce que vous êtes prêts pour chanter réellement? Oui. D'accord, on va voir. Nous allons chanter une chanson qui s'appelle « Au Amadou ». Elle est nouvelle. Vous êtes aussi nouveau. Donc on va essayer de conjuguer pour voir celui qui va gagner entre nous et vous. Vous et nous, on va voir. Est-ce que vous connaissez les paroles? Non. Bon, donc on va chanter quelques fois comme ça. Vous aurez l'occasion d'apprendre. Et au final, on va tous chanter ensemble. On y va! Thank you. choses. Si on n'a pas d'argent aussi, on ne peut pas faire beaucoup de choses aussi. Donc, l'argent, et ça veut dire ouai. Donc, à l'époque, chez nous, et moi, avec l'idée, il fallait avoir les 4 V. Vous savez les 4 V? Est-ce que vous connaissez les 4 V? Non. Les 4 V, c'était, dans un premier temps, une villa, une voiture, un verger et un virement en banque. On appelait ça les 4 V. Donc, quand il y avait les 4 V, il y avait la faveur de tout le monde. Et ce monsieur qui n'avait pas de sous, donc il s'adresse à sa bien-aimée. Qu'est-ce que je veux faire, moi? Je n'ai pas d'argent, mais je t'aime. Merci bien. La bande est là. On y va. Thank you. Merci. Africa, mon Africa. Merci, merci. Nous allons chanter une chanson qui s'appelle Africa, mon Africa. Donc, on y va. Yeah. On y va, maître Ivo. Je t'appelle le temps pour l'eau. Thank you. tous appeler en bambara, lève-toi et va chez toi. Parce qu'il y a des gens qui viennent chez vous, parce qu'en Afrique, ce n'est pas comme en Europe. Les portes sont ouvertes, grandement ouvertes, les voisins peuvent venir, les amis viennent, il n'y a pas de rendez-vous, on organise des séances, des débats de causerie, et souvent ces débats-là, c'est pas, ça ne parle pas sous de bonnes formes, donc il y a des critiques, ils parlent de n'importe quoi. Donc on dit à ces gens-là, au lieu de rester, nous importuner avec des paroles qui ne nous intéressent pas, et nous voudrions mieux que tu te casses et de rentrer chez toi. Merci. Merci bien. Kumaka. On y va. cadeau, chaque chose à son temps. Maintenant, il est temps, on va chauffer. On va danser. Est-ce que vous êtes prêts pour danser? Vous êtes prêts? Bon, on essaie. On y va. Thank you. grande! Le cartagli cuiate! Amine! Conico Maria Dubia! Alla città Amadou! Alla console Felix! I don't think I'm gonna be able to. Maintenant nous allons chanter ensemble, danser ensemble et sauter ensemble. Est-ce que vous êtes prêts pour sauter? Est-ce que vous êtes prêts pour sauter? On y va, maître Ivo. facile. C'est les mains faciles. On y va. Thank you. Thank you. j'aime beaucoup. Vraiment, vous êtes sympa. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Si vous n'êtes pas la prochaine, merci beaucoup. On vous aime beaucoup. Le public était sympa. Maintenant, on va chanter ensemble. Tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc, on y va. Thank you. Alla prochaine, bye bye. Non, il dit que c'est bon.